précieux. Tout à la fois, c'est déjà ça. On le connaît sous un surnom que je ne dévoilerai pas. Casquette figée, regard bien droit, à vous de savoir ce qu'il en retourne. Docteur de qui? Docteur de quoi? Du coup de coude au coup de boule. Cha-la-la-la-la, docteur de qui? Docteur de quoi? Passe électrique, potion magique. Si tu l'appelles, il répondra. La solution qui résonne, Medicine Man. J'entends la bâche qui cartonne, Medicine Man. La guérison, je te la donne, Medicine Man. Pièce d'eau dans le Zion. Medicine Man, je suis le Medicine Man. Et pour les mauvais, mauvais, les bons passages, je t'attends le bail qui fonde. Medicine Man, je suis le Medicine Man. Medicine Man, je suis le Medicine Man. Casquette figée. Docteur de qui?